بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du livre de Cheikh Al-Mardawi Rahimahullah Manzumat Al-Adab Al-Shar'iyya avec les explications du Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de Qat'ul Bawasir. Oui, c'est ça. Qat'ul Bawasir, Wal-Kay, Bin-Nar, Wal-Ruqa, Wa-Ta'liq Al-Ajras, Wa-Ta'awiz, Wa-Tadawi, Bil-Muharram, Wa-Hukmi, Wa-Hukmi Al-Hayawanat. Donc on a expliqué plusieurs points de ces points-là. Maintenant, on est rendu à un endroit. Maintenant, le cheikh il dit wa in tara fil mathbuh fil batn maytatan tahillu wa hab ar-rawth wa harrim bi awkadi wa yukrah qatl al-hirra illa ma' al-adha wa in mulikat fahdhar idhan ghayra mufsidi fahdhar idhan ghayra mufsidi. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, premièrement, le premier vers, c'est l'explication, c'est ce qui suit. Au sujet de l'animal qui, dans le ventre duquel il y a un bébé. Hein? هذه مسألة زكاة الجنين في بطن الحيوان المأكول. إذا ذكي الحيوان وغنم أو من إبل إذا ذكي الحيوان من غنم أو من إبل أو من بقر ووجد في بطنه جنين فإنه حلال لأن زكاته زكاة أمه وأما ما في بطن المذكى من روث فإنه حرام. Donc ici, le cheikh explique que la question de du bébé qui est dans le ventre de l'animal qu'on a le droit de consommer. Si, par exemple, l'animal qui a été égorgé, comme par exemple un mouton ou un chameau ou une vache, on l'a égorgé, puis ensuite on trouve qu'à l'intérieur de son ventre, il y avait un bébé ou un petit, eh bien, à ce moment-là, le fœtus, là, il est halal. Il est halal. Et le fait qu'on ait égorgé la mère, eh bien, ça rend le bébé halal aussi. Il dit donc que si par contre il y a dans l'animal des excréments ou il y a des choses impures, alors ça reste haram. Ça reste haram. Il dit وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْهِرِّ إِلَّا مَعَ الْأَذَى وَإِنْ مُلِكَتْ فَحْذَرْ إِذَنْ غَيْرَ مُفْسِدِي. Donc, Cheikh Al-Fawzan explique ça en disant Al-Hirru yahrumu qatlahu. Yahrumu qatlahu. Illa idha kana mu'ziyan. Bi an kana yakfi al-qudur. Ou yukafi al-qudur wa ya'kul al-tuyur. Fa hadha yuqtal daf'an li adhahu. أما ما لم يؤذي فإنه يحرم قتله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدل على أنه لا يجوز قتل الهر لأنه غير مؤذن لأنه غير مؤذن. Donc ici, Cheikh explique qu'il n'est pas permis, c'est interdit de tuer les chats, c'est interdit de tuer les chats, excepté s'ils font du tort, ils deviennent nuisibles. Par exemple, si je comprends bien ici, c'est par rapport au chaudron, qu'il renverse les chaudrons, ou bien qu'il mange les oiseaux, et il dit à ce moment-là, on a le droit de les tuer à cause du tort qu'ils font. Mais tant qu'ils ne font pas de tort, il n'est pas permis de les tuer parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, yani que une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle avait attaché et elle ne l'a pas nourri. Hein, et elle l'a attaché, elle l'a laissé sans nourriture et yani elle l'a pas non plus laissé pour qu'elle puisse yani se promener pour manger yani de qu'est-ce qu'il y a à manger sur la terre. Donc à cause de ça, c'est comme si elle avait tué ce chat-là et donc à cause de ça elle est rentrée en enfer. C'est la preuve qu'il n'est pas permis de tuer les chats, hein, parce que la règle générale, c'est que ce ne sont pas des animaux qui nuisent. Et ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit « وَمَا فِيهِ إِضْرَارٌ وَنَفْعٌ كَبَاشِقٍ وَكَلْبٍ وَفَهْدٍ لِاقْتِصَادِ التَّصَيُّدِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِلْكًا فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ وَإِنْ مُلِكَتْ فَاحْذَرْ وَإِنْ تُؤْذِي فَقْدُدِي وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ انْتِفَاعٌ وَلَا أَذَى كَدُودِ ذُبَابٍ لَمْ يَضُرْ كُرْهَهُ طِدِي. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit كَذَلِكَ الْبَاشِقْ يعني نَوْعٌ مِنَ السُّقُورِ يُصَادُ بِهِ يعني فَهُوَ من سباع الطير وفيه نفع وفيه أذى فهذا إن كان مؤذيا فإنه يقتل على كل حال سواء كان يعني مملوكا أو غير مملوك وإن كان غير مؤذ فإنه يكره قتله وكذلك الكلب فيه نفع وفيه إضرار فإن كان مؤذيا فإنه يقتل دفعا لأذاه أما إذا كان غير مؤذ فإنه لا يقتل والفهد وهو نوع من الجوارح يصاد به هذا فيه نفع فلا يقتل إلا إذا كان مؤذيا. Donc ici le cheikh explique que yani de même pour les animaux qui peuvent en même temps être profitables puis en même temps faire un tort ou être la cause d'un tort. Donc, il donne comme exemple un oiseau qu'on appelle en arabe al-bashiq. Donc, al-bashiq, il dit, le cheikh, que c'est un animal, c'est un oiseau qui est semblable au faucon. C'est un animal qui est semblable au faucon. Et cet animal-là, on l'utilise pour la chasse. Donc, il dit, donc c'est un animal, c'est un oiseau de proie. C'est un oiseau de proie. Et il dit il y a un bienfait dedans et il peut y avoir également dedans un tort. Donc il dit si cet oiseau-là cause du tort, à ce moment-là oui, peu importe la situation, qu'il soit qu'il appartienne à quelqu'un ou non, eh bien s'il fait du tort, il est permis de le tuer cet oiseau. Toutefois, si cet oiseau-là ne fait pas de tort à personne, alors c'est quelque chose qui est considéré détestable à ce moment-là, de le tuer. Il dit, de même que le chien, il y a dans le chien un bienfait, hein, il peut y avoir dedans quelque chose de profitable, comme il peut y avoir aussi quelque chose de nuisible. Et on a déjà expliqué par rapport au chien que, de façon générale, c'est pas permis de posséder un chien à la maison. Hein, ça, c'est pas permis de le faire rentrer à la maison parce que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien. Toutefois, c'est permis de posséder un chien à l'extérieur de la maison pour trois raisons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, comme par exemple un chien berger lorsque quelqu'un a des troupeaux, ou bien un chien de chasse. Lorsque quelqu'un chasse et il utilise son chien pour chasser, pour aller chercher les proies qu'il a chassées. Donc ça, c'est une autre utilisation aussi qui est permise. Et de même que le chien de garde. Le chien de garde pour préserver ou protéger son terrain ou ses biens, à ce moment-là, oui, à l'extérieur de la maison, c'est permis. D'accord? Et non pas de garder le chien à la maison comme animal de compagnie, ça c'est pas permis. Même si c'est un chiot, même si c'est un bébé chien, c'est pas permis. Et pour chaque jour, hein, pour chaque journée que ce chien-là est gardé dans la maison, eh bien, une personne perd une montagne de hasanat. Yani, subhanallah. Donc, on n'a pas de hasanat à gaspiller comme ça pour, yani, en prenant des chiens comme animal de compagnie, et puis de les garder dans la maison, alors qu'on sait que leur salive est najis, elle est impure, et que souvent, des chiens, par exemple, peuvent marcher dans leurs impuretés et répandre ça un peu partout aussi, là où ils vont. Donc, s'ils rentrent dans la maison, ça veut dire qu'ils vont répandre les impuretés aussi un peu partout. Donc, ça, c'est parmi les arguments qui prouvent que de posséder un chien à la maison, c'est pas permis. Et yani, le fait aussi que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien. Et non, non, il y a un point aussi important, c'est que ça fait partie de l'imitation des koufars. Malheureusement, à notre époque, beaucoup de musulmans ont pris cet exemple-là ou cette pratique de garder un chien comme animal de compagnie. Et ils font ça pour imiter les mécréants. Et ils pensent que c'est une belle chose à faire, ou que c'est une bonne habitude ou une bonne pratique, alors que ça, c'est totalement interdit en islam. C'est triste que même dans certains pays musulmans, certaines personnes commencent à vouloir imiter cette pratique-là. Donc ça montre qu'encore une fois, on a besoin d'un reset, hein, un formatage du cœur de certains là, pour qu'ils nettoient toutes les notions et les idées qu'ils ont adoptées, des idées des koufars, et de revenir aux enseignements islamiques pour purifier leur cœur et leur compréhension de toutes ces idées qui sont corrompues. Yani. Ensuite, Cheikh, il a mentionné aussi comme exemple, en fait, par rapport au chien, il a dit que si le chien il fait du tort ou il nuit, même si c'est parmi les animaux qui sont, même si c'est un animal comme un chien qu'on possède pour les raisons pour lesquelles on a mentionné qu'ils sont permises, eh bien, si le chien en question, il fait du tort ou il nuit, à ce moment-là, c'est permis de le tuer. Toutefois, s'il ne fait pas de tort ou s'il ne nuit pas, eh bien, il ne doit pas être tué à ce moment-là, s'il est utilisé pour ces raisons qu'on a mentionnées. En ce qui concerne aussi Al-Fahd, c'est le guépard, hein? C'est une sorte d'animal de proie aussi. Parfois, il est apprivoisé également on l'utilise aussi pour la chasse. Donc, il dit il y a un bienfait dedans. À ce moment-là, il ne faut pas le tuer, excepté s'il fait du tort. S'il nuit, à ce moment-là, il n'y a pas de mal, hein, de le tuer. Et en ce qui concerne l'autre vers, il dit إذا كانت تؤذي فاقدودي يعني اقتلها يعني سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة دفعا لأذاها. Donc tous ces animaux-là qu'on a mentionnés, si ils ont un propriétaire et qu'ils appartiennent à quelqu'un, peu importe. Yani, s'ils font du tort, eh bien à ce moment-là, c'est permis de les tuer, même si ils appartiennent à quelqu'un. Qu'ils appartiennent à quelqu'un ou non, s'ils font du tort aussi, ils nuisent, eh bien c'est permis de tuer ces animaux-là. Ensuite, il mentionne, il dit wa amma alladhi yu'dhi wa laysa fihi naf'un kadh-dhubab فيقتل إذا كان مؤذيا لأنه يسقط في الماء ويعني يسقط في الشراب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فدل على أنه يقتل الذباب دفعا لأذاه، وما لم يؤذي فإنه يكره قتله. Donc ici, le cheikh, il mentionne, il dit qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport à ces animaux qu'on vient de mentionner. Ça, c'est les animaux qui, dans lesquels il y a un bienfait dedans. C'est-à-dire, c'est des animaux qui peuvent avoir un aspect ou un point qui est bénéfique dedans, ou profitable, et un aspect aussi qui est nuisible. Il dit, tandis que si c'est un animal qui n'a que du mal ou qui ne fait que du tort et qu'il n'y a aucun bienfait, c'est-à-dire on ne l'utilise pas pour quelque chose spécifique qui est bénéfique, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de mal de les tuer s'ils font du tort. Il dit comme la mouche, il dit si elle tombe dans l'eau, hein, si elle tombe dans l'eau ou dans un breuvage, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la mouche tombe dans le breuvage de l'un d'entre vous, eh bien qu'il le trempe à l'intérieur, puis qu'il l'enlève. Qu'il trempe la mouche dans le liquide et qu'il la jette par la suite. Il dit parce que dans une de ses ailes, il y a la maladie et sur l'autre aile, il y a la guérison, hein, ou l'antidote. Donc c'est comme pour dire que, yani, si... La bête ou la mouche tombe dans le breuvage, dans l'eau ou quelque chose que tu bois, tu la rampes dans le liquide au complet, puis après ça tu la jettes. Parce que sur une de ces deux ailes il y a la maladie et sur l'autre aile il y a le remède. Donc ça c'est la preuve qu'on a le droit de tuer les mouches lorsqu'elles font du tort, et si elles ne font pas de tort à ce moment-là, c'est détestable de les tuer. Il dit « وَمَا حَلَّ لِلْمُطَرَّ حَلَّ لِلْمُكْرَهِ وَمَا لَا فَلَا غَيْرَ الْخُمُورِ بِأَوْكَدِ » Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَمَا حَلَّ لِلْمُطَرَّ أَكْلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ قَالَ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فما يباح للضرورة يباح عند الإكراه فإذا أكره أحد على أكل الميتة فإنه يأكل منها دفعا للإكراه إذا هدد بالقتل أو بالضرب بأن هدده ظالم ولا يتخلص منه إلا بأكل المحرم فإنه يأكل من المحرم دفعا للإكراه. Donc ici, le cheikh explique que ce qui est permis à la personne contrainte, dans la situation de contrainte ou de nécessité, eh bien, cette personne-là, plutôt ici, c'est la question de la nécessité qui est mentionnée. Donc, ce qui est permis pour la personne qui est dans une situation de nécessité, comme par exemple celle qui a besoin de manger un animal mort qui n'a pas été égorgé, ou de manger du porc, par exemple. Et ça, c'est basé sur les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal a mentionné le principe de la nécessité au sujet des choses qui sont interdites à manger, et il a ensuite exclu comme exception les personnes qui sont dans la nécessité. Et il a mentionné le verset 119, dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Illa matturirtum ilayh » c'est-à-dire excepté ce que vous avez été forcé de manger par nécessité. L'autre verset qu'il a cité, le cheikh, c'est le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie que vous ont été interdites la viande morte, le sang, et la chair ou la viande de porc, et tout ce qui a été immolé pour autre que Allah. Hein? Tout ce qui a été immolé pour autre que Allah. C'est-à-dire pour une idole ou pour autre que Allah parmi les choses que les mouchriquins adorent. Et le verset ensuite, le verset 173 dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il cite la même chose ou la même formule, puis il dit donc, ce qui vous est interdit, c'est uniquement la viande morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été immolé ou sacrifié pour autre que Allah. Et ensuite, il dit, et quiconque est forcé, hein, parce qu'il est dans la nécessité, sans transgresser, sans vouloir transgresser, hein, ni dépasser les limites, eh bien, celui-là, il n'a aucun péché contre lui. Donc, ça veut dire que, yani, c'est permis pour quelqu'un de manger de ce qui est haram pour la nécessité. Et il dit, ce qui est permis pour la nécessité, c'est aussi permis lors de la contrainte, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a été contraint. Donc, si quelqu'un, par exemple, est forcé ou contraint à manger ce qui est haram, alors il peut, à ce moment-là, le manger pour repousser la contrainte. Par exemple, si quelqu'un a été menacé, hein, de mort, ou bien on a menacé cette personne de torture ou de vouloir le battre ou des choses comme ça. Comme par exemple si une personne injuste lui fait ce genre de choses, hein, eh bien, yani, s'il ne peut pas se débarrasser de cette personne injuste, excepté en faisant ce qui est haram, par exemple en mangeant la chose qu'il est forcé ou que la personne veut le forcer à manger parmi les choses interdites en islam, à ce moment-là, il lui est permis de manger cette chose interdite. C'est-à-dire que cette chose qui est interdite devient à ce moment-là licite pour elle dans le but de repousser ce qui est la contrainte. Yani, dans le but de repousser la contrainte. Et ça fait partie de la miséricorde de cette religion de l'islam. Naam. Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh al-Mardawi, il dit, وَلَغْوٌ مَعَ الْإِكْرَاهِ أَفْعَالُ مُكْرَهٍ سِوَى الْقَتْلِ وَالْإِسْلَامِ ثُمَّ الزِّنَا قِدِي. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh, il explique, il dit, أفعال المكره وأقواله لغون يعني ليس لها اعتبار لأنه لم يقصدها ولم ينويها إنما نوى التخلص من الإكراه حتى ولو أكره على التلفظ بكلام الكفر فإنه يتلفظ للتخلص من الإكراه قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره يباح له أن يدفع الإكراه بالكلام الذي أجبر عليه ولو كان كلاما محرما أو مكروها وفعله لغو لأن فعل المكره مع وجوده لأن فعل المكره وجوده كعدمه لا يعتبر إلا في المسائل المستثناء وهي أولا القتل لو أكره على قتل آخر لا يجوز له أن يفدي نفسه بقتل غيره فلو قتله يضمن لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسا معصومة من أجل افتداء نفسه هو والثاني الإسلام إذا أكره على الإسلام فأسلم فإن إسلامه يعتبر صحيحا لأنه أكره على شيء مأمور به وهو الإسلام لم يكره لم يكره على محرم وإن كان لا يجوز الإكراه على الإسلام لأن الإسلام إنما يكون اختيارا كما قال تعالى لا إكراه في الدين ولكن لو وقع هذا وأكره وتلفظ بالشهادتين فإنه يعتبر مسلما لأن هذا مأمور به وثالثا وكذلك الزنا لو أكره على الزنا فحصل منه الزنا فإنه لا يسقط عنه الحد لأنه لا يكون الزنا إلا عن شهوة منه هو فإذا زنى فإنه يقام عليه الحد ولو كان مكرها هذا قول والقول الثاني أنه لا يقام عليه الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهذا منها هذا الفاعل أما المفعول بها التي زني بها إكراها فليس عليها شيء بالإجماع نعم Donc ici, le chef explique que les actions et les paroles de la personne qui est sous la contrainte, ses paroles ne sont pas prises en considération, ni ses actions. Il dit parce qu'il ne les a pas fait avec intention. Il n'a pas eu l'intention de faire ce qu'il fait puisqu'il est forcé, il est sous la contrainte. Il veut uniquement ou il fait uniquement ces choses dans le but de se débarrasser de la contrainte. Hein? Il dit même si la personne est forcée de dire des paroles de kofr et qu'on la contraint à dire des paroles de kofr et qu'il prononce ces paroles de kofr uniquement pour se débarrasser de la contrainte, alors à ce moment-là, yani, il n'a pas commis un péché, il n'a pas non plus commis de kofr, puisqu'il est excusé à cause de la contrainte. Comme dans le verset 106, dans Sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jal dit, il dit ce qui signifie, « Quiconque a renié la foi en Allah après avoir cru, excepté celui qui est contraint et dont le cœur est en tranquillité de la foi ou dans la sérénité de la foi. » Donc celui dont le cœur est rempli de sérénité dans sa foi et qu'on le contraint à dire une parole de kofr et qu'il le dit à cause de la contrainte, alors dans ce cas-là, il est considéré toujours comme étant un croyant puisqu'il dit cette parole uniquement dans le but de se débarrasser de cette contrainte. Et le cheikh, il explique ensuite que donc la personne qui est contrainte, il lui est permis de repousser cette contrainte par la parole qu'il a été ordonné ou forcé à prononcer, ou bien si c'est une parole interdite ou une parole détestable, eh bien il peut dire cette parole. Il dit si c'est une action, eh bien cette action est considérée comme quelque chose qui n'est pas pris en considération parce que l'action de la personne qui est contrainte, c'est comme si cette action n'avait pas eu lieu. On n'en tient pas compte. Il dit excepté pour trois questions ou trois points qui sont des exceptions à cette règle générale. La première exception, c'est le meurtre. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, par exemple, de tuer quelqu'un parce qu'on te force à le faire. Donc, tu n'as pas le droit de prendre comme excuse pour tuer quelqu'un le fait d'être sous la contrainte. Il dit parce que si quelqu'un est contraint à tuer une autre personne, il ne lui est pas permis de, se débarrasser elle-même en tuant quelqu'un d'autre. Hein? Et à ce moment-là, s'il tuait une autre personne pour se libérer elle-même, eh bien, à ce moment-là, il serait responsable de la mort de cette personne. Et il ne lui est pas permis de tuer une vie qui est protégée pour se libérer lui-même et pour sauver sa vie à lui. Le deuxième cas d'exception, c'est l'islam. C'est-à-dire que si quelqu'un est forcé à se convertir à l'islam, alors à ce moment-là, son islam serait considéré valide, même s'il a été prononcé sous la contrainte. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est quelque chose qui est ordonné pour lui. Donc, il n'a pas été contraint à ce moment-là de faire ce qui est interdit, mais il a été ordonné de faire ou contraint de faire ce qui lui est obligatoire. Et il dit, même s'il n'est pas permis en islam de contraindre quelqu'un à se convertir à l'islam, déjà à la base ça c'est interdit, d'accord? Parce que l'islam doit être choisi volontairement, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le verset 256 dans Surat Al-Baqarah, « La ikraha fid-din », c'est-à-dire « nulle contrainte en religion ». Donc on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à devenir musulman ou à se convertir. Toutefois, si cette chose-là se produit et qu'on ait contraint quelqu'un à prononcer les deux témoignages, « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », eh bien à ce moment-là, la personne qui le prononce, elle sera considérée musulmane parce que c'est ce qui lui est ordonné à la base, c'est-à-dire par Allah Azza wa Jal. L'exception numéro 3, c'est lorsque quelqu'un est contraint à faire le zina. C'est-à-dire si on force une personne à faire le zina avec une autre personne. Ou bien aussi, ici le cheikh il n'a pas mentionné, je ne sais pas si ça s'applique également, si quelqu'un par exemple forçait une personne à sodomiser une autre personne. Donc il n'a pas cité cet exemple, mais peut-être que ça rentre aussi dans ce cas-là. Il dit, à ce moment-là, il dit la peine ne tombe pas. C'est-à-dire la peine de l'adultère ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible pour lui de faire le zina, excepté s'il a un désir, s'il y a un désir de sa part. Il dit donc, s'il a fait le zina, il peut pas dire, par exemple, c'est parce qu'on m'a contraint. Alors, à ce moment-là, la peine sera appliquée sur cette personne, même s'il était contraint. Ça, c'est une opinion parmi les opinions des ulama. La deuxième position des ulama sur ce sujet, c'est que on va pas lui établir une peine parce que dans l'islam, on n'a pas le droit d'établir une peine s'il y a une ambiguïté, s'il y a un doute ou une ambiguïté. Donc, s'il y a une shubha, on n'a pas le droit d'appliquer une peine. Ça veut dire qu'on a le droit seulement d'appliquer une peine lorsqu'il y a une situation qui est claire et qui est sans ambiguïté et que les choses sont claires et certaines. S'il y a des ambiguïtés ou des choses qui ne sont pas claires ou qui sont douteuses, à ce moment-là, on ne peut pas appliquer les peines. Donc ça c'est ce qui est au sujet de la personne qui est contrainte à faire le zina avec une autre personne. Il dit en ce qui concerne la personne qui subit le zina, c'est-à-dire la personne qui est forcée de faire le zina avec une autre personne, eh bien celle qui subit le zina dans cette situation-là, et qu'on a contraint à ce que quelqu'un fasse le zina avec elle. Donc elle, la personne qui subit ça, elle n'a aucun péché. C'est-à-dire comme la personne qui se fait violer, par exemple. Donc si quelqu'un, par exemple, il dit « Si tu violes pas cette femme-là, je te tue », il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut pas utiliser comme excuse la contrainte. Il ne peut pas utiliser comme excuse la contrainte. Et comme on a mentionné, certains ulama disent s'il le faisait, il serait lapidé, même s'il est contraint. D'autres ont dit non, on ne va pas l'appliquer la lapidation, puisqu'il y a une ambiguïté ici. Toutefois, s'il fait le zina avec, ou s'il fait la zina avec cette femme et il viole cette femme, eh bien, cette femme-là, elle n'aura aucun péché. Pourquoi? Parce que, yani, elle est ici une victime. Elle est contrainte de subir ça. Et selon le consensus des savants de l'islam, à ce moment-là, elle n'a rien fait comme péché à ce moment-là. Elle n'est pas coupable. Non. Donc ça, c'est ce qui est de ce chapitre. On a terminé. Maintenant, le chapitre suivant, c'est le chapitre qui s'intitule Hukmul Akl wal Masajid. Hukmul Akl wal Masajid. C'est-à-dire le chapitre. Maintenant, il va expliquer les règles de comment manger selon les règles islamiques et en même temps aussi des règles en ce qui concerne le comportement relié aux mosquées et comment agir dans les mosquées. Donc, en ce qui concerne le titre, Hukm al-Akl wal-Masajid, Cheikh al-Fawzan il dit « Wa hada bayanu adab al-Akl » wa ahkam al-masajid. Donc c'est au sujet des manières reliées à la façon de manger la nourriture et aussi des règles reliées aux mosquées. Et il dit ensuite wa yukrahu nafkhun fil ghidha wa tanaffusun wa jawlan aydin fi ta'amin muwahhid. Donc ici il explique certaines règles en ce qui concerne la nourriture et les étiquettes et les règles pour yani les règles à adopter lors du repas, hein, lorsqu'on mange. Donc ici le cheikh al-Fawzan il dit yukrahu at-tanaffus fil ghidha yani at-ta'am لان هذا يكرهه يكرهه على الآخرين فلا يعني فلا ينفخ في الطعام إلا إن كان حارا وهو خاص به فهذا لا بأس أن ينفخه من أجل تبريده أما إذا كان مشتركا أو ليس حارا فيكره أن ينفخ فيه وكذلك يكره جولان الأيدي في الطعام الموحد بل يأكل مما يليه ولا تجول يده أمام الآخرين أمام الآخرين في الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك وهذا إذا كان الطعام موحدا يعني في من نوع واحد أما إذا كان الطعام من أنواع فلا بأس أن يأكل مما يريد مما يليه ومما لا يليه كالتمر مثلا والفاكهة. نعم. Donc ici le cheikh il explique que il est détestable de respirer devant le repas ou de souffler sur le repas, sur la nourriture, parce que ça va dégoûter les autres qui mangent avec toi. Hein? Et donc, il n'est pas permis de souffler sur la nourriture, excepté si elle est très chaude et que c'est un plat qui est pour toi tout seul. Hein? À ce moment-là, il n'y a pas de mal de souffler dessus pour refroidir la nourriture. Mais si c'est de la nourriture que tu manges avec d'autres personnes et que ce n'est pas chaud, à ce moment-là, c'est détestable de souffler dessus. Si c'est de la nourriture que tu manges avec d'autres personnes ou que la nourriture elle n'est pas chaude, alors c'est détestable de souffler dessus. Il dit de même qu'il est détestable également de promener ses mains dans un plat de nourriture qui est d'une sorte unique. Hein? Il dit, tu dois manger de ce qui est devant toi et tu ne dois pas promener tes mains devant la nourriture qui est devant les autres. Hein? Si c'est un plat, tu vois qu'il y a un plat avec de la nourriture, tout le monde mange ensemble et c'est une seule et même nourriture que tout le monde mange. À ce moment-là, tu ne dois pas promener tes mains devant la place des autres. Chacun mange de ce qui est devant lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, yani le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh, toi, le jeune garçon, hein, il s'adresse à un jeune, il dit, prononce le nom d'Allah et mange avec ta main droite et mange de ce qui est devant toi. » Donc ça fait partie des étiquettes de la façon dont on mange en islam, lorsqu'on mange avec d'autres personnes et qu'on mange dans le même plat, eh bien ça c'est de la façon comment on doit se comporter. Et le cheikh, il dit ça, c'est lorsque c'est une nourriture qui est identique, c'est-à-dire tout le monde mange dans le même plat et que dans ce plat-là, c'est la même nourriture pour tout le monde. Il dit toutefois, si dans le plat en question, il y a différentes sortes de nourriture, hein, eh bien il dit à ce moment-là, il n'y a pas de mal de prendre la nourriture que tu veux, même si c'est devant toi ou devant quelqu'un d'autre. Hein? Il dit comme par exemple des dattes ou bien s'il y a des fruits, et dans ce cas-là, tu prends de ce que tu veux, peu importe que ce soit devant toi ou non. Ensuite, le cheikh il explique, il dit « فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا فَلَا بَأْسَ بِالَّذِي نُهِي فِي اتِّخَاذٍ قد عفي في التعدد وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما وممددي. Donc ici le cheikh explique premièrement la suite de qu'est-ce qu'on mentionnait. إذا كان المأكول منوعا فلا بأس فلا يقتصر على ما يليه بل يأكل مما طاب له ويتتبع ما طاب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه شيء ممنوع لما قدم إليه شيء منوع كان يتتبع صلى الله عليه وسلم المواضع التي يريدها وقال للحاضرين إنه ليس نوعا واحدا رواه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية في الطعام ورواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة كذلك باب الأكل مما يليك. Donc le cheikh il explique que si la nourriture que vous mangez, c'est pas une seule nourriture, il y a différentes catégories de nourriture dans l'assiette ou dans le plat, il dit à ce moment-là, il n'y a pas de mal de prendre de ce qui est devant toi ou ailleurs dans le plat. Hein? Si par exemple, il y a plusieurs choses différentes dans le plat, eh bien, tu peux prendre ce que tu veux et suivre ou chercher en particulier la chose que tu aimes dans le plat, il n'y a pas de mal. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui a servi de la nourriture qui était diverse dans un plat, eh bien, il prenait en particulier ou il cherchait en particulier les parties qu'il aimait et il a dit à ceux qui étaient présents avec lui, ce n'est pas une seule forme de nourriture ou une sorte unique. Hein. À ce moment-là, c'est permis. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas ce point-là. Après, le cheikh, il dit, par rapport au fait de manger lorsqu'on mange avec les mains, l'étiquette à employer lorsqu'on mange avec les mains, le cheikh, il dit, « كَذَلِكَ مِنْ أَدَابِ الْأَكْلِ أَنْ تَأْكُلَ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ ». كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويكره أن يأكل بأكثر من ثلاثة أصابع لأن هذا يدل على النهم والجشع والجشع ولا يأكل بأقل من ثلاث أصابع كالأصبعين والواحد لأن هذه صفة المتكبرين فالسنة أنه يأكل بثلاث أصابع وأن يأكل وهو جالس هذا هو السنة والآن يعني صرت الناس أو في بعض الناس آداب الغرب والكفار صاروا يأكلون وهم واقفون صرت في الناس أو في بعض الناس آداب الغرب والكفار صاروا يأكلون وهم واقفون donc ici le cheikh explique que il fait partie également des manières, des bonnes manières lorsque on mange, de manger, si on mange avec les mains, de manger avec trois doigts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec trois doigts, comme c'est rapporté par l'imam muslim. Hein? Et il dit que il est détestable de manger avec plus que trois doigts parce que ça indique que la personne est un peu gloutonne ou bien gourmande ou qu'elle est avare et elle ne doit pas non plus manger avec moins que trois doigts comme avec deux doigts ou un. Il dit ça c'est des caractéristiques des gens qui sont orgueilleux. Donc la sunna c'est de manger avec trois doigts et de manger alors qu'on est assis. Hein, c'est ça la sunna. Il dit, mais maintenant, beaucoup de gens, hein, ils ont adopté les manières des occidentaux et des kuffars, et ils mangent debout. Hein. Donc en voulant dire que ça c'est contraire à la sunna, c'est pas correct de manger debout. Ensuite, donc, Cheikh il dit ensuite, وأكل بثنتين والإصبع والإصبع كرها مع نتن العرف مع نتن العرف إكره إتيان مسجدي. نعم. Donc ici le cheikh il explique que il dit هذا من آداب المساجد والعرف يعني الرائحة أو العرف نعم عفوا والعرف يعني الرائحة هذا يعني إذا كانت الرائحة منتنة بأن أكلت شيئا له رائحة منتنة كالبصل والكراث فإنه يكره ذهابك إلى المسجد وفيك رائحة كريهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا لأن المسلمين يتأذون من الرائحة الكريهة والملائكة تتأذى بذلك فلا يذهب إلى المسجد وفيه رائحة كريهة ومثله من فيه عرق ورائحة كريهة تفوح من جسمه فيتنظف ويزيل الرائحة فلا يذهب إلى المسجد بروائح كريهة وعرق وإنما يذهب إلى المسجد على أحسن حال وأنظف حال وأطيب رائحة لأنه يعني بيت من بيوت الله فيه الملائكة وفيه المصلون. Donc le cheikh il dit, on va terminer avec ce point-là pour ce qui est de ce livre. Il dit ici le cheikh que celui, par, il dit parmi les règles également qui concernent les mosquées, eh bien, il y a yani, le fait qu'il n'est pas permis d'aller dans les mosquées lorsque on a mangé une nourriture qui a une mauvaise odeur. Hein? Donc, si tu as mangé quelque chose qui sent mauvais, comme de l'ail ou des oignons, yani, à ce moment-là, il est détestable pour toi d'aller à la mosquée. Hein, à cause de cette mauvaise odeur. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Hein, comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit, celui qui a, il, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui mange de l'ail ou bien des oignons, qu'il n'approche pas notre mosquée ou l'endroit où on prie. Il dit, parce que les musulmans, ça leur fait du tort. Hein, ça les dérange. Hein, de sentir cette odeur qui est nuisible, qui est déplaisante, ainsi que les anges aussi, parce que ça nuit aux anges également. Alors, il ne faut pas aller à la mosquée alors qu'on sent mauvais. Et ce n'est pas seulement quand on sent mauvais, par exemple, à cause de l'ail ou des oignons, mais n'importe quelle autre odeur mauvaise qui sort de notre corps. Hein. Même, par exemple, si quelqu'un il vient de faire du sport, où il a sué, où il a transpiré et qu'il sent très fort hein, des odeurs corporelles qui sont déplaisantes, hein, qui sortent de lui, à ce moment-là, il ne doit pas venir à la mosquée avec ces odeurs-là. Plutôt, il doit aller se laver hein, et changer ses vêtements et puis venir yani, à la mosquée avec yani, ses vêtements qui sont les plus propres, les plus beaux et qui sentent hein, le plus bon possible. Donc ça c'est important. Il y a des gens peut-être qu'ils sortent du sport ou ils sortent du travail, ils sont fatigués, ils ont couru, ils ont travaillé fort et ils ont transpiré, ils ont des odeurs hein, qui sortent de leur corps qui sont vraiment très très fortes. À ce moment-là, c'est pas bon pour eux de venir à la mosquée parce que ils vont déranger les gens qui vont prier avec eux hein et ça arrive souvent des fois des gens qui tu pries dans la mosquée tu es en train de faire la salat et quelqu'un vient se placer juste à côté de toi et il a des odeurs très fortes hein et il te déconcentre dans ta salat. Et puis, peut-être que tu, même à cause de lui, tu as de la difficulté même à respirer à cause de cette odeur. Hein? Donc ça, c'est pas correct. Et des fois aussi, des gens, peut-être qu'ils n'ont pas mangé de l'ail ou des oignons, mais c'est comme si leurs vêtements, quand ils ont cuisiné, leurs vêtements absorbaient toute la senteur des épices et de tout. Et donc, quand ils rentrent dans la mosquée, eh bien, c'est comme si on sent leur cuisine, yani, subhanallah. Et c'est comme si on dirait qu'ils ont ramené leur cuisine avec eux dans la mosquée. Donc, c'est vraiment dérangeant de faire ça, puis il faut penser aux autres. Parce que des gens, des fois, ils pensent, ils disent, « Ah, moi, je veux faire les hasanat, je veux venir à la mosquée, je veux avoir le ajr, je veux avoir la récompense pour prier en jama'a. » Mais ils ne réalisent pas qu'en venant dans cet état-là, et qu'ils vont déranger les gens, déranger les musallines, ceux qui prient avec lui, ils vont déranger même les anges, hein? Alors, ils ne vont pas prendre des hasanat, ils vont prendre des péchés. Hein? Donc, ça, ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Et il dit, parce que ça, c'est la maison d'Allah. Hein? Il y a les anges dedans, il y a les gens qui prient. Donc, il faut penser à eux aussi, pas seulement à soi-même. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour ça. Et on continuera la suite au cours suivant, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين